بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام فكما قلنا إننا اليوم نشرع في باب جديد aujourd'hui on commence un nouveau chapitre ألا وهو باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم le chapitre concernant les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال المؤلف رحمه الله بعد ذكر العنوان. L'auteur il nous dit après avoir cité le titre du chapitre, il nous dit وقال الله تعالى ainsi que la parole d'Allah le très haut. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Ô vous qui avez eu la foi, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Ainsi que la parole d'Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah wa atiu ar-rasul la'allakum turhamun. Et accomplissez la salat, acquittez-vous de l'aumône et obéissez au prophète afin qu'il vous soit fait miséricorde. Ainsi que la parole d'Allah le Très-Haut, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce avec quoi vous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, alors délaissez-le. فَفِي هَذَا الْبَابِ أَيُّهَا الْإِخْوَةِ الْمُؤَلِّفُ يُبَيِّنُ لَنَا أَمْرًا مُهِمًا. Dans ce chapitre, l'auteur, il nous montre un sujet important. فإنه قبل ذلك ذكر لنا حقوق الله تبارك وتعالى. Avant cela, il nous avait cité les droits d'Allah تبارك وتعالى. وأنه يجب علينا أن نطيعه. Qu'il nous est obligatoire d'obéir à Allah تبارك وتعالى, de laisser les péchés. Qu'il nous est obligatoire de l'unifier dans l'adoration. Comme dans le hadith, أتدري ما حق الله على العباد وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ. Connais-tu le droit des serviteurs? Connais-tu le droit d'Allah face aux serviteurs et le droit des serviteurs? Donc le droit des serviteurs sur Allah tabaraka wa ta'ala. قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. Et donc, il dit, Allah et son messager sont plus savants. قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Certes, le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'il l'adore sans lui accorder quelconque associé. Et donc ça, c'est le droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et aujourd'hui, donc, on va commencer à aborder le sujet, les droits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ وَهَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنِ. Il est obligatoire à tout musulman. Et cela est impératif. يجب أن يجمع بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. Il est obligatoire à tout musulman de rassembler, de réunir le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala et le droit de son messager صلى الله عليه وسلم. لذا لا يدخل المرء في الإسلام إلا بالنطق بهاتين الشهادتين. Et pour cela que l'individu, c'est pour cela que l'individu ne rentre en islam que après avoir prononcé ces deux attestations. L'attestation, le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et ensuite, le droit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aïe, najhad bi annahu rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. Les droits du prophète صلى الله عليه وسلم, en réalité les frères sont nombreux. Nous allons en citer quelques-uns, inshallah ta'ala. فمنها وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. Premièrement, le fait qu'il est impératif, obligatoire de croire en lui. Ce qui est voulu par là, الإيمان برسالته. Le fait de quoi? À son message, le message qu'il nous a transmis, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a énormément de preuves qui montrent cela. Parmi celles-ci, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulihi. » Ô vous qui avez eu la foi, ayez foi en Allah et en son messager. Ce verset, souvent, il est utilisé par les savants pour un point essentiel. Le fait de répéter ce qui est déjà acquis. Le fait de répéter ce qui est déjà acquis. Souvent, les gens, lorsqu'on va au Jumu'ah sur le Mimbar, ou alors durant les durous ou autres, parfois, certaines personnes, elles disent « Ah, mais franchement, ça y est, c'est bon, c'est déjà acquis ce sujet-là, on l'a déjà compris. On l'a déjà compris, c'est bon. » Pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le vendredi, il répétait. Il répétait donc « Khutbatul Haja » le vendredi, comme le fait l'imam. Donc, les vendredis à répéter le discours, les mêmes versets. Et donc, ceci est un rappel, le fait de répéter la même chose. Et aussi, Allah tabaraka wa ta'ala, ici dans ce verset, il s'adresse à qui ? « Ya ayyuhalladhina amanu » Ô vous qui avez eu la foi. Ô vous qui avez eu la foi. Ils ont déjà la foi. « Aminu billahi wa rasuli » Ayez la foi en Allah et en son messager. Et donc, ils ont déjà la foi, mais ceci est un rappel pour eux, pour renforcer cette foi. Et ceci est une obligation, le fait de préserver cette foi en Allah, tabaraka wa ta'ala, et en son messager. فَمِنْ حُقُوقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْنَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَا بِأَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. Parmi ses droits sur nous, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il nous est obligatoire de croire qu'il a été envoyé à tout le monde. Et il n'a pas été envoyé qu'aux Arabes, comme veulent nous faire croire les incroyants parmi les chrétiens et d'autres qui cherchent à propager des ambiguïtés. Par exemple, ils vont prendre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa anzir ashirataka al-aqrabin et avertis tes proches, avertis donc tes plus proches, donc les plus proches donc de ta tribu, de ta famille. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Ils prennent ce verset, ils disent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé qu'aux Arabes. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit Masha'Allah yastadilluna bil Qur'an. Ils utilisent des versets du Qur'an comme preuve. Et donc si vous utilisez des versets du Qur'an comme preuve, alors de la même façon que vous avez utilisé ce verset, que dites-vous de la parole d'Allah Tabaraka wa ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Dit ô homme, j'ai été envoyé pour vous tous. Inni Rasulullah ilaykum jami'a. Je suis le messager d'Allah qui a été envoyé pour vous tous, ô homme. Et donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tout le monde, à tous les peuples, que ce soit à tous les continents. Personne donc ne peut se permettre de refuser de suivre son message, sallallahu alayhi wa sallam. Il a certes commencé par ses proches, il a commencé par sa famille, puis après cela, il a étalé, donc le prêche, il a étalé la da'wa à toute la terre. Et donc ça, c'est très important, aux chers frères, de comprendre ce sujet et d'avoir foi au fait que le messager d'Allah a été envoyé à tous. Et il y a en cela aussi annahu laysa fi dinina shay'un min al-unsuriyya. Il n'y a pas dans notre religion une quelconque forme donc de racisme. Il n'y a pas de racisme dans notre religion. Cela c'est vraiment important. Souvent on a ce problème, que ce soit chez les Maghrébins, que ce soit chez les Africains, que ce soit chez les Français convertis, que ce soit chez les Antillais, on va avoir ce problème qui doit être corrigé. C'est inadmissible d'avoir ça en islam. Cela fait partie de da'wa al-jahiliya, hein, les méthodes anti-islamiques qu'a mis en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bi da'wa al-jahiliya wa ana bayna adhhurikum. Est-ce que vous utilisez les méthodes anti-islamiques alors que je suis parmi vous. Il disait sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك من حقوقه علينا انه يجب علينا ان نؤمن بانه خاتم الانبياء والرسل. Parmi ses droits sur nous, le fait qu'il nous est obligatoire de croire qu'il est le dernier des prophètes et messagers. Allah تبارك وتعالى qui nous dit: وما كان محمد ابا احد من رجالكم. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Walakin Rasul Allah. Cependant, il est le messager d'Allah. Wa khatam an-nabiyyin. Et le dernier des prophètes. Le dernier. Fa ayyuman ja'a ba'da dhalika. Ayyuman ja'a ba'da dhalika yad'i an-nubuwwa. Fa qad kafara bi rabbil alamin. Wa man saddaqahu fa huwa kafir. Toute personne qui vient après cela prétendre qu'il est lui-même un prophète en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci a mécru. Et tous ceux qui l'auront cru auront mécru avec lui. Car ils auront rejeté, clairement rejeté, ce verset du Coran. Wa kadhalika min al-umur allati yajibu alayna an na'taqidaha. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة. Parmi donc les éléments qu'il nous est obligatoire de croire, il y a le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم a donc rempli son obligation. Il a transmis le message صلى الله عليه وسلم. Comme on l'a déjà vu dans un chapitre précédent. Est-ce que j'ai transmis? Naam, oui, il a transmis, sallallahu alayhi wa sallam. Et il répétait cela. Allahumma shahad, Allahumma shahad. Et donc, il a transmis le message, sallallahu alayhi wa sallam. Liza, qalatil ulama, kullu man ibtada'a fi dinillahi tabaraka wa ta'ala, lam ya'tani bi hukukin nabiyyi, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que les savants nous disent, tous ceux qui innovent dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala n'ont pas accordé d'importance au droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est important. Quand on regarde donc tous ces groupes qui parfois vont avoir des tendances terroristes, extrémistes, ou alors ils vont l'être clairement, mais tout cela parce qu'ils voient donc que certaines personnes vont critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le dénigrer. Tu vas les voir qui veulent mettre en évidence une forme de jalousie. Hein? Ils veulent mettre en évidence, montrer une forme de jalousie. Elle est où votre jalousie face à toutes les innovations que vous faites? Toutes les innovations que vous faites ou toutes les innovations qu'il y a, où êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en garde contre les innovations? Pourquoi est-ce qu'on voit l'Ikhwan al-Muslimin qui vont s'associer avec Daesh, qui vont s'associer avec Al-Rawafid, etc., etc. Et ensuite, qui vont nous dire la jalousie quant au droit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est où la jalousie quant au droit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous vous associez avec Al-Rawafid, comme on le voit au Yémen, les Ikhwan avec les Rawafid du Yémen ou autres. Et donc il est important, aux chers frères, de comprendre ce sujet clairement. Il est important de comprendre correctement ce sujet, barakallahu fikum. Wa kadhalika min huquqihi sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi parmi ses droits, sallallahu alayhi wa sallam, annahu la yantiku anil hawa. Le fait qu'il ne parle pas selon la passion. Et le fait que Allah tabaraka wa ta'ala l'a préservé. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wa ma yantiku 'anil hawa, il ne parle pas selon la passion, in huwa illa wahyun yuha. Tout ce qu'il dit n'est qu'une révélation qui lui est faite. Ajib, oh chers frères, c'est surprenant de voir comment on a des personnes qui connaissent cela, ils vont te dire oui, nous donnons son droit au messager d'Allah. C'est lui le messager d'Allah. C'est lui qui nous montre la voie qui mène au paradis. C'est lui qui nous montre la voie qui mène en enfer pour que nous évitions cette voie. Tayyib, lorsque tu leur dis le messager, il a dit ça, ils te disent « Ouais, mais l'imam Malik. Ouais, mais l'imam Shafi'i. Ouais, mais l'imam Abu Hanifa. Ouais, mais l'imam Ahmed. Ouais, mais cher Foulen. Ouais, mais cher Foulen. » Comme on l'a entendu souvent, « Ouais, mais Abdelkarim, c'est quand même cher Foulen, quand même. » Abdelkarim, quand même, là, t'as parlé sur cher Foulen. Yani, yani, il est au-dessus du degré du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Au-dessus du degré du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est grave. Et c'est pour cela que les savants, ils nous disent, « Min akbaril esbeb. » Al-Qadiha fi hukuki nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kulliha al-taqlid. Al-taqlid al-a'ma. Les savants nous disent parmi les causes les plus évidentes qui vont donc mépriser et donc non, qui vont mépriser les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le suivi aveugle. Tu dis à la personne, le messager d'Allah, ouais, mais mon cher. Le messager, oui, mais mon cher. Oui, mais mon cher. Subhanallah. Ceci est une maladie, oh cher frère. Nous devons faire en sorte, nous devons faire attention à ce droit impératif. Ela wa huwa taqdimu al-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ala ghayrihi. Le fait de faire prévaloir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à tout autre. Ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi. Oh vous qui avez eu la foi, ne précédez pas, donc ne vous faites pas prévaloir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants nous disent que cela te concerne toi, mais cela concerne autrui. Tu ne peux pas faire une autre personne passer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est impératif, ça c'est un sujet du manhaj. Et à chaque fois tu demandes à la personne, hal anta ta'taqid anna Muhammadan rasulullah? Na'am. Tayyib, comment ça se fait que tu délaisses son hadith pour t'accrocher à la parole d'un tel? Abu Hanifa, il a dit zakat al-fitr, on peut la donner en nourriture, on peut la donner en argent. Taïb, ya jama'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais donné en argent. Il a dit zakat al-fitr, il a cité zakat al-fitr, tu'matan lil fuqara, une nourriture pour les pauvres. Oui, mais Abu Hanifa, il a dit. Oui, mais Abu Hanifa, c'est une maladie. C'est une maladie. Comme je débattais donc avec un homme dans les Antilles sur ce sujet, pas le sujet de la zakat, mais un autre sujet. Il me disait, oui, mais mon maître a dit. Oui, mais mon maître. Oui, mon maître. Subhanallah. Et donc, ô cher frère, il est impératif de reconnaître les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa min hukukihi wujubu tiba'ihi. Et parmi ses droits, le fait qu'il est obligatoire de le suivre. Il nous est obligatoire à tous de suivre sa voie sallallahu alayhi wa sallam et de délaisser tout ce qui contredit sa voie sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'on va aussi parler d'un sujet important, le fait de l'aimer, le fait de l'aimer sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, comme on l'a vu dans le verset, donc par rapport au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Dites, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Il est obligatoire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas mustahab. Les gens, ils pensent qu'on parle de sunnah, c'est mustahab. Recommander, recommander. Il est obligatoire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu aimes Allah? Tout le monde ici va dire, oui, j'aime Allah. Taïb, suis le prophète. Fattabi'uni, el-mizen, la balance, elle est là. Si tu aimes Allah, tu suis le prophète. Tout simplement. Et il y a aussi donc le fait, comme on a cité, le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que quiconque. Comme cela a été clairement cité dans le hadith, أن يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما. Le fait d'aimer Allah et son messager plus que quiconque d'autre. Et donc ça, c'est important, mon cher frère. Cela fait partie des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en a beaucoup de droits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai fait que citer quelques-uns, donc pour cette introduction dans ce chapitre. Et on verra dans ce chapitre, tout au long de ce chapitre, plusieurs points importants quant aux droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, parmi ceux-ci, les versets qu'a cité l'auteur, rahimahullah, qui montrent l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses droits, nous devons lui obéir. Nous devons lui obéir. Tu n'as pas le choix. Allah, il te l'a ordonné. Ati'ullaha wa ati'ur rasoul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Ceci est une obligation. Et donc voilà quelques conseils, quelques recommandations que je me fais à moi-même ainsi qu'à vous tous. On continue, inshallah ta'ala, demain. Wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.